Sébastien Bourdon par Arsène Houssaye. Chapitre 1er. Il est impossible de passer sans émotion devant le portrait de Sébastien Bourdon peint par lui-même et devant le marbre du musée du Louvre qui représente cette belle tête illuminée d'un rayon de sentiments surhumains. Ce n'est pas l'idéal antique, c'est l'idéal moderne. Ce n'est pas la sérénité olympienne, c'est l'inquiétude des chercheurs. Sébastien Bourdon a-t-il atteint son rêve, ou plutôt a-t-il dominé son inspiration? Non. Sa vie fut un combat sans trêve. Il ne se reposa qu'en se couchant dans le tombeau. À 6 ans, Bourdon dessinait déjà. 50 ans après, quand il fut frappé par la mort, il avait le pinceau à la main. Durant tout ce demi-siècle, de 1621 à 1671, ce fut la vie la plus agitée, la plus voyageuse, la plus inégale qui ait jamais emporté un artiste. Il naquit à Montpellier. Le soleil du midi frappa son front de ces fauves et ardentes lueurs qui la fait jaillir de sa palette. Son père était un peintre sur verre, très renommé de l'église au château dans toute la Provence. Sébastien était à si bonne école, et la nature l'avait si hautement doué, qu'à 7 ans il passait pour un prodige réservé aux plus glorieuses destinées. Un de ses oncles, qui partait pour Paris, le voulut emmener, disant que la province étoufferait ce génie de 7 ans. Malheureusement, l'oncle plaça Sébastien chez un mauvais peintre qui aurait tout gâté si cet enfant extraordinaire avait écouté les maîtres. À 12 ans, Sébastien était déjà célèbre dans les écoles de peinture. Son maître, ou plutôt celui qui lui donnait le pain du corps et non le pain de l'esprit, le faisait peindre à fresque sur ses cartons dans quelques hôtels de la place royale. À 14 ans, il fut appelé à Bordeaux pour y peindre une Sainte Famille. On allait le voir à l'œuvre un peu par curiosité, mais non sans quelque respect. Le comte de Jansigny, émerveillé de la fraîcheur et du charme de ses têtes de vierge et de ses figures d'ange, jugea qu'il peindrait avec beaucoup d'agrément des Grâces, des Hébées, des Vénus, des Daphnées et des Amours. Il le décida à l'accompagner à son château, où Sébastien Bourdon entreprit plusieurs plafonds avec toute l'extravagance d'une imagination sans frein. Mais déjà il cachait toutes ses fautes sous la magie de la couleur. Il retourna à Montpellier, où il ne fut pas prophète. Il tenta d'ouvrir un atelier à Toulouse et d'y faire école. Mais on ne prit pas au sérieux ce maître de 15 ans, qui avait tous les caprices d'un enfant gâté, d'une femme à vapeur et d'un homme de génie. Non seulement il ne trouva pas à enseigner, mais il ne trouva pas à peindre. Tous ses beaux rêves s'évanouirent comme la fumée qui s'échappe des flammes. Son ciel d'avril, si radieux à l'aurore, se couvrit de giboulées. Les gelées blanches, inattendues, vinrent en une matinée frapper le jeune arbre tout couvert de fleurs. Sébastien Bourdon, qui n'eut jamais de patience et qui ne brava jamais fièrement la mauvaise fortune, s'engagea dans la compagnie de Montjouveau. À peine soldat, il reprit ses pinceaux avec passion. Montjouveau fut sollicité par son lieutenant de voir peindre Sébastien Bourdon. Frappé de l'intelligence et de la main légère du soldat, il lui accorda sa liberté. Sébastien Bourdon obtint de son père de quoi faire le voyage d'Italie. À Rome, à Naples, à Florence, à Venise, ce fut la même vie orageuse, impatiente, dissipée, impossible. Il trouva un ami dans Claude Lorrain. Sébastien Bourdon demeura 3 années en Italie, étudiant à contrefaire tous les grands maîtres et tous les peintres de genre. Il excellait à ce jeu savant. Plus d'un tableau de Sébastien Bourdon passe aujourd'hui pour un Michel-Ange des batailles, pour un Caravage, pour un Andrea del Sarto, pour un Bamboche, pour un Sacchi et même pour un Claude Lorrain. À une fête de Saint-Luc, le jeune peintre apporta, entre deux libations, un tableau de Claude Lorrain qu'il avait peint de mémoire si heureusement que Claude Lorrain en fut renversé. Sébastien Bourdon finit par comprendre que là n'était point sa destinée. Il était né avec le génie libre et non avec le talent servile. Après avoir fait des tableaux de tous les peintres, il jugea qu'il était temps de faire des tableaux de Sébastien Bourdon. Du reste, tout en traduisant les autres peintres, il imprimait sur ses toiles un accent original. Son dessin douteux, qui se voilait sous l'écharpe de la grâce antique, sa couleur tendre et fondue, qui sentait toujours la palette de 20 ans, ses airs de tête de vierge mondaine, tout cela était à lui, à son insu. Ce fut surtout à son retour en France qu'il se révéla dans toute son originalité. Il avait laissé quelques amis, mais de tous ceux qu'il connaissait, il ne retrouva qu'un seul peintre, et ce peintre, c'était lui. il fut choisi pour le mets de Notre-Dame. Il peignit ce beau crucifiement de Saint-Pierre qui est connu de tous les artistes. En courant le monde, il avait couru les femmes. Esprit enthousiaste, cœur amoureux, nature passionnée, il s'était embarqué dans beaucoup d'aventures périlleuses sans souci des tempêtes. À Venise, par exemple, il lui avait fallu dégainer sur une gondole contre un soldat dont il enlevait la maîtresse. Heureusement pour lui, le mari de la dame, car elle avait un mari et deux amants, était survenu et l'avait sauvée de la fureur du soldat. Quand Sébastien Bourdon fut revenu à Paris, il s'imagina que son tour du monde était fait. Il se rappela l'intérieur béni où sa mère l'avait bercé 8 ans. Des larmes lui vinrent aux yeux. Il jura d'en finir avec toutes ces folies qui dévastent le cœur au lieu de le peupler. Il prit son épée, se coiffa avec quelques coquetteries et s'en alla nez au vent à la recherche d'une femme. C'était bien là le caractère de Sébastien Bourdon. Il n'aimait pas à méditer longtemps un tableau ou une action. « Où vas-tu ? » lui dit Duguerrier, un peintre en miniature de la reine, qu'il rencontra très distrait devant l'église Saint-Germain-des-Prés. « Où je vais ?» répondit Sébastien Bourdon, de l'air d'un homme qui ne tient pas à garder son secret. « Je vais peut-être fort loin. Je suis peut-être arrivé. »« En un mot, je n'en sais rien. Et toi ?»« Moi, » dit Duguerrier, « je cherche un homme, tout comme Diogène, et comme je n'ai point de lanterne, je trouverai. » « C'est assez singulier, » dit Sébastien Bourdon. « Moi, je cherche une femme. » « La bonne nouvelle ?» Je t'ai toujours connu, ici comme à Rome, cherchant une femme. Oui, mais aujourd'hui je cherche une vraie femme. Pour quoi faire? Pour l'aimer. Ah, si je ne te connaissais pas, je te dirais bien où il y en a une, et qui est belle, et qui est bonne, et qui est simple, et qui a toutes les vertus. Elle en a même un peu trop, car elle ne veut pas vivre avec les hommes, et voilà pourquoi je cherche un homme. Ce que tu me dis là m'ouvre le cœur. J'aimerais fort une femme qui ne voudrait pas vivre avec les hommes, si elle consentait à vivre avec moi. J'y pense. Nous avons trouvé tous les deux. Prends mon bras et viens-t'en. » Sébastien Bourdon avait connu Duguerrier à Rome. Ils avaient soupé quelquefois ensemble et avaient été du même carnaval. Mais à Paris, le jeune peintre ne voyait Duguerrier que de loin en loin, tenant en médiocre estime les peintres en miniature. Il monta l'escalier de celui-ci comme un étourdi qui ne veut rien prévoir. Tout à coup, quand s'ouvrit la porte, il fut, pour ainsi dire, ébloui par l'apparition d'une belle fille qui inclina son front avec la pudeur et la grâce d'une vierge de Corrège devant les lèvres de son frère. Cette belle fille se croyait destinée à Dieu, tout simplement parce que jusque-là, elle n'avait pas vu un seul homme digne de la retenir dans le monde. Mais Sébastien Bourdon n'eut qu'à se présenter. Il était beau, il était célèbre, il était inépuisable de doctes et folles histoires. Mademoiselle Aurore Duguerrier retomba du ciel sur la terre et quitta Dieu pour Sébastien Bourdon. Le jeune peintre s'imaginait que le mariage serait pour lui la rive idéale que rêve le passager pendant la tempête. Il avait tant couru le monde qu'un peu de repos devant l'âtre de la famille lui semblait bon à calmer ses fièvres ardentes. Il commença à paraître heureux et il eut beaucoup d'enfants. Mais il retourna trop vite cette page enchantée du livre de sa vie. Au revers, ce fut la guerre civile, la dévastation de l'atelier, la misère dans la maison. Toutes les petites bouches roses qui s'ouvraient naguère pour sourire ne s'ouvraient plus que pour dire « j'ai faim », comme dans la famille de Schrabom. Sébastien Bourdon, désespérant de ressaisir la fortune en France, se dépouilla de son manteau, le jeta sur le berceau du dernier-né, recommanda sa femme à Duguerrier et partit pour la Suède où déjà, à plusieurs reprises, la reine Christine l'avait appelé. Il débarqua à Stockholm en 1652. Il dit à la reine qu'il avait quitté pour elle le berceau de son dernier-né. Christine lui dit qu'elle se chargeait de protéger son berceau. « Et vous ?» lui dit-elle. « Vous commencerez ici par un tombeau. Mon père vient de mourir. Apportez-moi ce soir les dessins de la pompe funèbre. » À partir de cet instant, Sébastien Bourdon fut du personnel de la cour. Il marchait de pair avec les ambassadeurs, les généraux et gentilshommes de la reine. Il peignit Christine, comme il l'a dit lui-même, sous toutes ses faces, à pied, à cheval, dans le déshabillé et dans le cérémonial. Un jour qu'elle posait, elle lui parla des tableaux dont Gustave II s'était emparé à la prise de Prague. « Il paraît, dit-elle, que ce sont des chefs-d'œuvre, mais nous n'avons pas ici de galerie, et ils sont encore les uns sur les autres dans les greniers du palais. » Sébastien Bourdon, sachant qu'il avait des corrèges, termina la séance plus tôt que de coutume. Il courut au grenier et passa toute sa journée en admiration devant le royal butin. Le soir, quand il revit la reine, « Votre Majesté ne sait pas que les plus grandes richesses de son palais sont abandonnées aux rats. De quoi voulez-vous parler ? Il y a là-haut des tableaux du corrège, qui sont plus doux à voir que la porte du paradis. Eh bien, Bourdon, je vous les donne. » Le peintre représenta à la reine que c'était un trésor tout royal et que Christine seule était digne de posséder de pareils chefs-d'œuvre. La reine, à son tour, monta dans les combles du palais, et dès que ses yeux se furent réjouis dans la lumière du corrège, elle ne songea plus à donner les tableaux à Sébastien Bourdon. Elle se passionna pour la peinture et composa elle-même un petit musée que plus tard, à son abdication, elle transporta à Rome. Quand elle mourut, les corrèges passèrent à Don Livio Odescalchi, qui les vendit au duc d'Orléans pendant la régence. Lorsque Christine abdiqua, Bourdon abdiqua lui-même son titre de peintre de la reine. Il avait d'ailleurs le mal du pays et de la famille. La Suède n'était pas la terre promise pour cette imagination exaltée et aventureuse, toujours à la recherche de l'inconnu. Il n'avait pas attendu son retour pour remplir sa mission des magnificences de Christine. Il revint à Paris avec beaucoup d'argent et de renommée. Aussi son atelier, désert à son départ, se repeupla bien vite d'hommes de cour et d'hommes d'église qui lui demandaient des portraits et des tableaux de religion. Il exposa vers ce temps-là sa femme adultère, qui était un chef-d'œuvre un peu hasardé de volupté et de repentir. Il conservait toujours dans son cœur l'amour du pays natal. Dès qu'il se trouva bien à Paris, il partit pour Montpellier, où il peignit beaucoup de portraits et quelques tableaux de sainteté. Selon d'Argenville, un tailleur de Montpellier, ayant de l'estime pour cet artiste, qu'il ne croyait pas riche, lui envoya, par un peintre nommé François, un habit complet avec un manteau et un bonnet rouge. Bourdon s'habilla, fit son portrait, et l'envoya dans cet accoutrement au tailleur pour lui payer son drap et sa façon. Comme il commençait à prendre pied à Montpellier, où sa femme lui avait amené ses filles pour le soleil autant que pour lui, il retourna soudainement à Paris, disant que c'était là le vrai pays natal des artistes. C'était en 1663. À son arrivée, il commença la célèbre galerie de l'hôtel de Bretonvilliers, où il répandit toutes les grâces de la poésie profane. Jamais sa palette n'avait été plus magique. Il ne gardait pas plus son argent qu'il ne se gardait lui-même. Aussi, quoiqu'il travaillât beaucoup et qu'il fût beaucoup payé, il se trouva presque toujours pauvre. Il passa du luxe le plus fantastique à la misère la plus désolée. Il était ainsi fait qu'il se moquait du nécessaire, pourvu qu'il eût le superflu. En attendant, ses filles étaient devenues grandes. Il ne leur donna pour dot qu'un joli talent pour le pastel et la miniature. Sa femme, le voyant des mois entiers la palette à la main, toujours ardent aux œuvres nouvelles, toujours bercé du rêve de l'alchimiste, qui trouvera de l'or demain, n'avait pas le courage de se plaindre.